est 12h55. Jean Bosco, Douimane. Bonjour, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 5 janvier 2017 et voici les grandes articulations de cette édition. Un homme d'une cinquantaine d'années a été tué ce mardi sur la colline Mouezan, commune Bouhiga, pour vol dans un champ et il fait la deuxième victime tuée dans les mêmes circonstances par la population. Et à Mawa, un jeune garçon est mort hier, fusillé par un policier quand un groupe de 4 jeunes tentait de lui arracher son arme. Et le directeur général du commerce affirme qu'il n'y a pas de pénurie de sucre. Il demande à l'administration de veiller à sa distribution par les grossistes qui s'approvisionnent à la Sosumo. La Sosumo, où l'on nous confirme également que les stocks sont suffisants. Le syndicat des enseignants Conapes estime que le ministère de l'Éducation aurait dû d'abord évaluer la valeur ajoutée des cours de renforcement avant de décider de les suspendre. Vous entendrez le président de ce syndicat. Et en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a reconduit la mission de médiation des évêques congolais en vue de la mise en œuvre de l'accord politique conclu fin décembre. Et les évêques ont été reçus hier, mercredi, par le président Joseph Kabila. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha-Sennared a organisé une réunion depuis ce mercredi à Bruxelles, en Belgique. Et parmi les questions qu'ils sont en train d'analyser figure le traitement de ceux qu'ils qualifient de déviants, la position du Sennared en rapport avec la facilitation de Benjamin Mkapa, ainsi que les élections internes au sein de cette plateforme politique. Nous vous parlerons de l'issue de cette réunion dans nos éditions ultérieures. Un homme d'une cinquantaine d'années a été tué ce mardi par la population de la colline Mouweza où il habitait avec sa famille dans la commune Bouhiga. C'est dans la province de Karoussi. Le responsable de la colline indique qu'il a été tué pour vol dans un champ. Et du moment que cet homme est la deuxième tuée dans les mêmes circonstances sur cette même colline, l'administrateur de Bouhiga demande à la population de ne plus se faire justice. Correspondance de Blaise Pascal Kararoumiye. Cet homme tué était connu sous le nom de Salvatore Kabunicha, de la colline Mouweza, commune Bouhiga, province Karoussi. Il a été tué à coups de machette ce mardi, à la même colline et par la population, qu'il accusait de vol de manioc dans le champ, comme l'indique le chef de colline Mouweza. Celui-ci signale que le cadavre a été retrouvé ce mardi, après que le vol dans le champ ait été perpétré pendant la nuit. À la police, on indique être à la recherche de ceux qui sont pointés pour cet assassinat, expliquant que ces derniers ont pris fuite après avoir pris connaissance que cette victime, père de 4 enfants, aurait succombé de ses blessures. Du moment que cet homme fait la 3e personne tuée dans les mêmes circonstances pour les mêmes accusations dans un mois, et deux de ces derniers ayant été enregistrés à la même colline de Mouweza, l'administrateur communal demande à la population d'en découdre avec l'esprit de se faire justice, mais plutôt de conduire tout malfaiteur aux responsables de la police ou de l'administration. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumiye pour la radio. Merci Blaise. Un mort et un blessé, c'est le bilan des échauffourées éclatées vers 16h30 hier à Lisabou-Mawa. Le commissariat de police à Bururi explique que certains habitants de Songa voulaient récupérer par force les vaches qui allaient être retenues pour avoir brouté dans les pâturages de Lisabou quand l'incident a eu lieu. C'est précisément 4 jeunes gens tentant d'arracher un fusil à un agent de police qui ont provoqué la fusillade et a emporté l'un d'eux, selon le directeur de Lisabou-Mawa. Il est 13h01 à Bujumbura. Il n'y a pas de pénurie de sucre dans la mairie de Bujumbura. Cela est dit par Sébastien Zimana. C'est le directeur général du commerce. Il invite les commerçants se trouvant sur les listes de vente du sucre à aller prendre ce produit. Il recommande à l'administration de faire le suivi de cette distribution. Suivez Sébastien Zimana au micro d'Alida Daïkez. Le stock est de Sosumo. Les stocks sont pleins. J'invite les grossistes qui sont inscrits dans les listes bénéficiaires de ce sumo, de venir prendre le cycle pour donner aux consommateurs. Ce sont des anciennes listes ou vous les avez actualisées? Non, ce sont des anciennes listes, ce n'est pas actualisé parce que ce sont des listes qu'on a élaborées ensemble avec l'administration locale. J'invite ces glossistes de venir, s'ils refusent de venir, on va les remplacer sur la liste bénéficiaire. Qui doit veiller au respect des noms qui se trouvent sur ces listes? Normalement, puisqu'on a élaboré conjointement avec l'administration locale, c'est l'administration locale qui doit surveiller si le cycle arrive au dernier consommateur et nous signaler ces gens qui violent la loi. Et la société sucrière du Mont Sosumo affirme que les stocks de sucre sont suffisants. Comme Manila Kiza, coordinateur du bureau de liaison de Bujumbura, explique que la vente de ce produit doit être suivie par l'administration. Ce responsable indique que la Sosumo n'est plus responsable des points de vente qui pourtant respectaient le prix officiel. Il appelle les administratifs à traquer certains commerçants ne respectant pas le prix de 2200 francs burundais par kilo. La Sosumo est prête à les rayer de la liste, ajoute-t-il. Nous venons de terminer la campagne juste au mois de décembre. Ça veut dire que nos stocks sont encore garnis. Je peux dire que le stock aujourd'hui est suffisant. On avait l'habitude de voir des points de vente où le prix d'un kilo de sucre est respecté. Est-ce que ces points de vente sont actuellement fonctionnels? Non, les points de vente ne sont plus fonctionnels. Il y a eu un moment où la Sosumo a voulu fidéliser les clients dans les différentes zones de Bujumbura. À ce moment-là, c'est la Sosumu qui avait une mainmise sur ses clients. Et la Sosumu, à cette époque, pouvait sanctionner les gens qui ne respectaient pas les prix. Aujourd'hui, l'administration de la mairie, au regard de la population, a voulu demander que ce sucre soit contrôlé sur terrain par l'administration de la mairie, en l'occurrence les zones. Alors, les chefs de zone ont fixé les listes. Ces listes ont été transmises à la mairie pour validation. Et la mairie nous les a envoyées pour utilisation. Ça veut dire que ces zones ont la mainmise aujourd'hui sur les clients qui, hier, étaient sous la main de la Sosumo. Donc, c'est à eux de voir, de suivre sur le terrain ce qui se passe. Nous faisons la production et nous faisons la distribution. Et c'est à l'administration de vérifier, de contrôler ce qui se passe sur le terrain. Et ceux qui ne respectent pas les prix devraient être sanctionnés. On voit aujourd'hui qu'il y a le non-respect du prix fixé par le gouvernement via le ministère du Commerce. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que le prix du sucre soit respecté? Au niveau de la Sosumo, nous ne varions pas le prix du jour au lendemain. C'est un prix qui est fixé par le gouvernement. Et ce qui se passe sur terrain, c'est autre chose. Ça veut dire que certains commerçants ne respectent pas le prix et certains même tendent à vendre ce sucre en dehors de Bujumbura, ce qui est anormal. Ça veut dire que si vous vendez le sucre qui est destiné normalement à Bujumbura, avec quelqu'un qui est en dehors de Bujumbura, vous êtes en train d'envoyer le sucre sur une destination autre. Et deuxièmement, le prix qui monte du jour au lendemain dans les quartiers périphériques, ça c'est l'affaire de l'administration. C'est l'administration qui doit traquer ces gens-là qui ne veulent pas respecter. Et une fois qu'ils nous amènent les listes des défaillants, la Sosumo est prête à les sanctionner. C'était comme Manila Kiza, c'est le coordinateur du bureau de liaison de la Sosumo à Bujumbura. Il répondait aux questions de Mireille Kanyang. Il est 13h04. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les cours prévus dans les premières années post-fondamentales sont conformes au niveau des élèves, contrairement à ce que disent certains enseignants de la commune et province Rumonge. Et c'est le point de vue de Joël Gachaka. Il est directeur du bureau d'études et programmes de l'enseignement post-fondamental. Il conseille plutôt à ses enseignants de ne rien sauter pour ne pas perturber les programmes. Jean-Pierre Misago. Comme l'indiquent certains enseignants des sections sciences sociales et humaines des premières années au poste fondamental et dans la commune de Rumonge, des notions qui étaient prévues dans les premières années des lettres modernes ou même à l'université dans le système d'enseignement existant se retrouvent actuellement dans les programmes de ces années avec des élèves d'un niveau très bas. Certains enseignants sautent carrément ces chapitres jugés non conformes au niveau des élèves pour ne pas perdre du temps, précise-t-il Joël Gachaka, directeur du bureau d'études et des programmes de l'enseignement post-fondamental, reconnaît son niveau dangereusement bas des élèves. Mais, poursuit-il, ces enseignants n'ont pas l'autorisation de sauter un seul chapitre dans ces programmes dont l'établissement a été guidé par une certaine suite logique visant un certain profil de sortie à chaque élève à la fin du cycle, s'exprimant sur le manque de matériel et d'enseignants qualifiés pour certains cours comme l'entrepreneuriat et les techniques de l'information et de la communication pour l'éducation. Joël Gachaka dit que les formations de mise à niveau pour ces enseignants sont prévues pour le matériel didactique, notamment des ordinateurs pour le cours des TIC. Gachaka conseille aux directeurs d'école concernés de se faire aider par celles qui en possèdent. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Avant de suspendre les cours de renforcement, le ministère en charge de l'éducation devrait d'abord évaluer la valeur ajoutée de l'organisation de ces cours. C'est du moins l'avis du président du syndicat CONAPES, qui précise que l'origine de l'organisation de ces cours est l'entente entre les parents et les enseignants. Emmanuel Machandari demande au ministère de l'Éducation de veiller à ce que cette mesure ne fasse reculer la capacité intellectuelle des élèves. Ce centre de renforcement est une émanation des parents. Ce sont les parents qui ont demandé à ce qu'il y ait l'organisation de ces séances pour que la matière qui a été dispensée dans l'avant-midi puisse être approfondie pendant ces séances. Les initiateurs de cette activité de renforcement sont les écoles qui hébergent les enfants des hautes autorités. Et dans ces écoles-là, on a essayé de déterminer le montant à payer en fonction du revenu du parent. Et d'autres écoles, voyant l'importance, le résultat de ces séances de renforcement, ils ont elles aussi organisé de telles séances sur demande aussi des parents à travers les assemblées générales. Et aujourd'hui, alors si le ministère de l'Éducation suspend cette mesure, là je me suis posé des questions. Quelle est la motivation profonde? On dit que c'est lié aux querelles qui sont nées à travers le partage de cet argent. Il aurait fallu donner des motivations qui puissent convaincre les parents d'abord, parce que ce sont les bénéficiaires, et deuxièmement, les enseignants qui participaient dans ces séances. Les perdants, ce sont les enfants qui profitaient de ces séances pour approfondir davantage la matière. On devait approcher les parents et même leur demander de l'organiser des assemblées générales pour qu'ils puissent réellement évaluer la valeur ajoutée à travers ces séances de renforcement. Ces séances sont nécessaires, d'autant plus que les enfants en profitent pour entrer en profondeur. Mais aussi, il faut que les directeurs puissent suivre et voir si réellement ce qu'on est en train de faire est conforme à ce qu'on s'est convenu. Emmanuel Machandari, c'est le président du syndicat CONAPES, dont les propos ont été recueillis par Alain Désiré Boukeyeneza. Pour rappel, le ministère de l'Éducation, par le biais de son porte-parole, a annoncé ce mercredi que seule une commission mise en place pour cet effet pourra déterminer les modalités d'organisation des cours dits de renforcement. Juma Edouard a indiqué que la suspension de ces cours de renforcement avait été motivée par le constat que les directeurs des écoles et les enseignants sont motivés beaucoup plus par l'argent que par le souci de formation des enseignants. Vous voudrez bien m'excuser pour ce lapsus. Le porte-parole du ministère de l'Éducation, Edouard Djouma, a indiqué que la suspension de ces cours de renforcement avait été motivée par le constat que les directeurs des écoles et les enseignants sont beaucoup plus motivés par l'argent que le souci de formation des apprenants et non des enseignants, comme je venais de le dire. Santé à présent grogne des bénéficiaires des services de l'hôpital de district de Ruyigui. Il s'indigne contre l'effectif réduit de cabinets de consultation ouverts au point qu'il faut 2 jours pour que certains patients parviennent à se faire soigner. Le médecin directeur de cet hôpital dit que ces cabinets ne sont jamais fermés tant qu'il y a encore des demandeurs de leurs prestations, mais reconnaît qu'il y a tout de même une insuffisance de médecins. Jean-Claude Chimirimana. Selon des informations fournies par certains patients qui se sont fait soigner lundi et mardi de cette semaine en cours à l'hôpital de district de Ruigi, un seul médecin était au cabinet pour accueillir les malades ambulants, mais aussi pour faire les visites des patients hospitalisés et faire les opérations urgentes, notamment les césariennes. Ce que nous avons nous-mêmes constaté ce lundi, les malades ambulants étaient assis à midi devant les portes des bureaux de consultation, toutes fermées, puisque le seul médecin qui était au service était parti pour faire une césarienne. Conséquence, certains patients, notamment les usagers de la carte mutuelle et de la fonction publique, disent qu'ils sont parvenus à acheter les médicaments prescrits ce mercredi parce qu'ils ont achevé la chaîne de ce mardi vers la tombée de la nuit, indiquait-il. Face à cette situation, ces patients, de même que certains habitants de la ville de Ruigi, demandent qu'il faut affecter des médecins en effectif suffisant pour accueillir les malades ambulants. Isidore Nihadiriswa, médecin directeur de cet hôpital, dit que les médecins rentrent après avoir accueilli tous les malades. Néanmoins, il reconnaît que cet hôpital accuse une insuffisance de médecins, même s'il ne dit pas l'effectif de médecins nécessaires. Il indique que cet hôpital a actuellement uniquement 3 médecins, le directeur de l'hôpital compris, alors que cet hôpital avait 6 médecins au total au début de l'année 2016. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Et plus de 100 000 habitations devront être pulvérisées dans les districts sanitaires de Muyinga et Gashoho. La pulvérisation intradomiciliaire est l'une des stratégies de lutte contre les moustiques, vecteurs du paludisme en recrudescence ces jours-ci. Correspondance de Dieudonné Zeyman. Dans les salles de pédiatrie à l'hôpital de référence de Muyinga, 2 à 3 enfants malades passent à matelas de moins d'un mètre de largeur. Les gardes malades, dont les uns dorment sous les lits, révèlent que leurs enfants souffrent du paludisme. Le personnel soignant à cet hôpital parle de recrudescence de cette maladie depuis septembre l'an dernier. Pour le docteur Elik Nzimana, médecin responsable de la province entière de Muyinga, la recrudescence du paludisme est une réalité dans les districts entiers de Gashoho et Muyinga. C'est ainsi que le programme national de lutte contre cette maladie a arrêté des stratégies de lutte, dont la pulvérisation intradomiciliaire pour tuer les moustiques vecteurs de malaria. Au total, plus de 100 000 habitations seront pulvérisées, celles des habitations et leurs dépendances localisées à moins de 700 mètres d'altitude, à partir des vallées ou marais, sont concernées. C'est là où se développent ces moustiques. À quand cette pulvérisation t'a attendue par la population ciblée lors d'une récente enquête? Pas de précision. D'après le responsable sanitaire, les préparatifs sont terminés. D'ici peu, cette opération sera lancée, rassure le médecin provincial de Muyinga. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, en Syrie, les civils commencent à revenir dans les quartiers d'Alep Est, mais le froid et les destructions rendent les conditions de vie très difficiles. En République démocratique du Congo, on parle de la reconduction de la médiation des évêques par le président Joseph Kabila. Léon Suitario nous parle également de l'accident de route qui a fait 15 personnes tuées et 30 blessées mercredi matin au Mali. Le bilan de l'accident qui s'est produit mercredi matin entre Ségou et Bamako est lourd. 15 morts et une trentaine de blessés selon BBC Afrique. 14 personnes sont en effet mortes sur le champ et la 15e durant son évacuation à Bamako, la capitale. Un camion allant à Ségou et un car de transport en commun en provenance de Gao avec à bord une cinquantaine de passagers sont entrés en collision. Le ministre de la Santé a parlé de choc frontal. Les évêques congolais ont été reçus hier mercredi par le président Joseph Kabila qui a reconduit leur mission de médiation en vue de la mise en œuvre de l'accord politique conclu fin décembre. Selon Jeune Afrique et l'AFP, les choses sont claires après l'échange entre les évêques et le président de la République qui leur a demandé de tout faire pour mettre en application l'accord. Un proche collaborateur du chef de l'État a confirmé à l'AFP que les évêques avaient été reçus en audience par Joseph Kabila, refusant toutefois de dévoiler le contenu des entretiens. Et puis, le coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU en Syrie renseigne que les civils commencent à revenir petit à petit dans les quartiers rebelles d'Alep Est. appris par le site de RFI, Sajad Malik fait savoir que 2200 familles ont déjà réintégré ces deux derniers jours le quartier d'Anano, l'un des premiers repris par les forces gouvernementales. Mais le froid et l'état des destructions rendent des retours difficiles et fortement déconseillés. Les hôpitaux, les écoles, les immeubles, plus rien ne tient debout selon RFI. Et pourtant, les habitants d'Alep qui ont connu l'enfer d'un siège qui a duré plus de 5 mois commencent à revenir dans ces quartiers où ils ont été privés de tout. Merci Léon, c'est séparé ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous séparer, j'en rappelle les grandes désarticulations. Un homme d'une cinquantaine d'années a été tué ce mardi sur la colline Mouéza, commune Bouiga, pour vol dans un champ. Et il fait la deuxième victime tuée dans les mêmes circonstances par la population. Et à Mahoua, un jeune garçon est mort hier, fusillé par un policier quand un groupe de 4 jeunes tentait de lui arracher son arme. Le directeur général du commerce affirme qu'il n'y a pas de pénurie de sucre. Il demande à l'administration de veiller à sa distribution par les grossistes qui s'approvisionnent à la Sosumo, où l'on nous confirme également que les stocks sont suffisants. Et le syndicat des enseignants qu'on appelle s'estime que le ministère de l'Éducation aurait dû d'abord évaluer la valeur ajoutée des cours de renforcement avant de décider de leur suspension. Et en République démocratique du Congo, venait de le suivre, le président Joseph Kabila, recevant hier les évêques, a reconduit leur mission de médiation en vue de la mise en œuvre de l'accord politique conclu fin décembre. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h15. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana. Une très bonne suite des programmes.